Cette semaine, bien des émissions de France Culture se souviennent qu'il y a 25 ans, il y aura 25 ans ce dimanche, tombé le mur de Berlin et consacre en partenariat avec le numéro de courrier international sur les murs leur programme à l'Allemagne. C'est le cas de la Fabrique de l'Histoire qui, toute la semaine d'ailleurs, traite de l'Allemagne au XXe siècle. Hier, nous avons eu la chance de rencontrer et d'écouter les analyses de Saul Friedlander ou encore de Johann Chapoutot sur l'Allemagne. Et avant demain de revenir sur ce qu'était la société civile en RDA, nous allons ce matin vous raconter dans le documentaire du mardi à plusieurs voix l'histoire de l'exode des Allemands de l'Est de l'Europe. Ce sont en effet des millions d'Allemands de Poméranie, de Silésie ou encore des Pays-Baltes qui ont dû quitter le pays où ils étaient nés une fois la défaite du Troisième Reich consommée. Jeanne Guéroux et Anne Fleury se sont rendus en Allemagne, recueillir les souvenirs d'exil de quelques-uns d'entre eux et de quelques-unes d'entre elles, comme Reintraud Burke, Renate Gundogar, Birgit Göttgen ou encore Rudolf von Taden. L'exode des Allemands d'Europe de l'Est, un documentaire de Jeanne Guéroux et d'Anne Fleury, c'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Le premier soldat russe que j'ai vécu, je l'ai vécu dans mon lit. Parce que je ne me suis pas réveillé. J'étais un des seuls qui ne s'était pas réveillé parce que je dors normalement très bien. Ça, c'était ma chambre, là. Il a ouvert la porte, arrive un russe, et moi, évidemment, à ce moment-là, je me suis réveillé. Et là, il arrive avec la fameuse, comment ça, Kalachnikov, constate tout de suite que je suis un enfant. Et qu'est-ce qu'il fait, ce soldat russe? Il se met sur mon lit. Il m'offre une cigarette. Il ne savait pas un mot d'allemand, moi je ne savais pas un mot de russe. Il m'offrait une cigarette, symbole de paix. Ça existait. Je sais qu'à un moment donné, ma mère et ma tante ont dit « ça y est, il faut que nous partions ». On voyait au ciel la lueur des villes en flammes. Donc il fallait prendre le premier bateau disponible. Tout ce qui dépassait, le bagage à main, il fallait que ça reste sur le quai. L'exode des Allemands d'Europe de l'Est. Pendant la fuite, j'étais comme figé. Je ne voulais ni manger, ni boire, rien. Et le peu que ma mère avait, elle devait me forcer à l'avaler là, comme un hamster. Et je me défendais, et ça la rendait folle. Nous, tous les enfants de la guerre, on avait des symptômes de carence alimentaire. Pas de vitamines, que la peau sur les os, tous des furoncles aux jambes, mais c'était normal. Mein Käfer fliegt, dein Vater ist im Krieg, dein Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, près de 20 millions d'Allemands vivent à l'est des rives de l'Oder et de la Neisse, frontière actuelle entre l'Allemagne et la Pologne. Parmi eux, la moitié réside dans les provinces orientales du Reich, telles que la Prusse orientale, la Poméranie ou la Silésie. Les autres vivent dispersés dans des régions allant des États baltes à la Yougoslavie. La présence de ces Allemands, qui remontent par endroits au Moyen-Âge, s'est trouvée fragilisée par l'exacerbation des nationalismes au lendemain de la Première Guerre mondiale. La guerre d'Hitler, son obsession de germaniser l'Est de l'Europe, a semé la mort et la terreur pour des millions de personnes, tout particulièrement en Pologne et en Union soviétique. À la fin du conflit, la responsabilité de ces crimes retombera aussi sur les populations allemandes. Lorsque le 12 janvier 1945, la grande offensive russe est lancée sur le front de l'Est, la peur de la vengeance des soldats soviétiques se répand parmi les civils allemands. La Wehrmacht ne parvient pas à stopper l'armée rouge, et à la fin du mois de janvier, les provinces orientales les plus importantes du Reich sont perdues. Jusqu'au printemps, 7 millions d'Allemands fuient ces régions et accompagnent le reflux de leur armée vers l'Ouest. Pris dans les combats, affaiblis par le froid et la faim, beaucoup meurent en route. La plupart pensent d'abord partir pour quelques semaines tout au plus, mais après l'armistice du 8 mai, tout retour leur est interdit. Quant aux Allemands qui sont restés, ils sont alors chassés par les populations locales et leurs autorités. À l'été 1945, les Alliés légalisent finalement ces expulsions lors de la conférence de Potsdam. Divisée et occupée, l'Allemagne voit affluer entre 1945 et 1950 plus de 12 millions de réfugiés, pour beaucoup des femmes, des enfants et des personnes âgées. Retour sur un transfert dramatique et longtemps passé sous silence, en compagnie de Reintraut Borg, né à Guskow en Poméranie, Renate Gündoar, née à Weißwasser en Silésie, Rudolf von Tadden, né à Triglaf en Poméranie, et Birgit Göttgens, originaire des Pays-Baltes et née à Posen dans la Pologne occupée. Ils avaient entre 4 et 16 ans quand ils ont dû quitter leur pays. Rudolf von Tadden. Alors, il faut remonter au Moyen-Âge jusqu'à l'époque de Charlemagne. L'époque où nous avions une histoire commune, les Français et les Allemands. Mais où est-ce qu'elle était la frontière de cet empire au nord et à l'est? Au nord, il y avait une seule chose qui l'intéressait, les embouchures de l'Elbe, donc Hambourg. Mais à l'est, ils sont arrêtés au fleuve de l'Elbe. Tout ce qu'il y avait à l'est de cette frontière, ce que nous appelons aujourd'hui le Brandebourg et la Saxe, n'appartenait pas à l'Empire de Charlemagne. Mais l'Empire de Charlemagne était tellement fort qu'évidemment il exerçait une influence au-delà des frontières. C'était l'Église catholique qui avait intérêt à missionner les terres à l'est. C'est la grande expansion du catholicisme à l'est qui a été utile à l'élargissement de l'Allemagne. Avec la christianisation, arrivent maintenant d'autres Allemands qui construisent des villes avec un droit à part, le droit urbain, Stadtrecht, indépendant du noble. Où est-ce que ça arrête? Ça arrête avec la frontière polonaise entre la Pologne et la Russie. Toute la côte de la mer Baltique est devenue une côte, je ne dis pas allemande, mais je dis une côte de droit germanique. Alors la Poméranie est devenue allemande avec les villes au XIIIe siècle. Elle est devenue protestante début XVIe siècle. Après, enfin, c'était pas seulement une question, mais plus personne ne parlait autre chose que l'allemand. Jusqu'à l'époque de Hitler, vous aviez partout une présence de la culture allemande, surtout avec les Juifs. Les Juifs parlaient allemand. Alors, la guerre de Hitler a détruit l'influence de la culture allemande dans l'Est de l'Europe. Birgit Göttgens, nous sommes ici chez votre sœur, à Düsseldorf. Racontez-nous l'histoire, l'origine de votre famille. Depuis quand est-ce qu'elle était installée à Riga ? Mes parents sont plus ou moins des Allemands de la Baltique. Ma mère était une pure Allemande, née à Riga. Mon père était moitié letton, moitié estonien, mais il avait reçu une éducation complètement allemande. En fait, il a toujours vécu au milieu de peuples différents. Les gens là-bas parlaient tous trois ou quatre langues. C'était courant dans ces pays baltes. Vous avez des photos, là ? Oui. Celle-ci, c'est sur la plage à Riga, le Majorenhof. La famille de ma mère avait une villa où ils passaient tous leurs étés. Ils apportaient toutes les affaires de la maison. Ils arrivaient à la Saint-Jean, et quand l'école recommençait en septembre, tout le monde rentrait à Riga. Avec de si grandes maisons, ils avaient évidemment des domestiques, et c'était des Lettons. En fait, toutes les familles allemandes appartenaient à la couche supérieure de la société. Cette couche ne représentait que 4% de la population de la Lettonie, pas plus. Mais du fait de la vieille tradition des chevaliers teutoniques, elle conservait un rôle dominant. Ces chevaliers étaient arrivés par la mer au Moyen-Âge Et ils avaient christianisé la population d'une façon hélas sanglante. À leur suite sont arrivés les commerçants, plus tard les marchands de la Hanse, si bien que ce chemin vers l'Est s'est fait par la violence, la christianisation et le commerce. Kaufleuten zu tun hatte und im Gefolge dieser Leute kamen dann auch Geistliche, das heißt. Et puis sont arrivés les hommes d'église, c'est-à-dire les évêques. Und ein Bischof Adalbert. Et l'un d'entre eux, l'évêque Adalbert, a fondé la ville de Riga vers 1200. Diese Ritter bekamen dann als Dank für ihre Tätigkeiten. Ces chevaliers teutoniques se sont vus attribuer là-bas des terres pour prix de leur service. Et ils sont restés sur place. Und da wurden dann Burgen gebaut, später Schlösser gebaut. Und es ils ont alors construit des forteresses, plus tard des châteaux. Et c'est ainsi qu'a commencé l'histoire des Allemands de la Baltique. Renate Gündoar, vous êtes originaire de Silésie? Je suis née à Weißwasser, dans la Haute-Silésie. Ici s'étaient installés mes grands-parents maternels. Mon grand-père, il a fait du chemin. Il est né en Prusse occidentale. Ça se situe un peu au sud de Danzig, Gdansk aujourd'hui. Tandis que ma grand-mère est née à Gleiwitz, proche de la frontière tchèque. Et mes parents se sont donc mariés à Weißwasser, je suis née là-bas. C'était une petite ville dont l'industrie principale était celle des ampoules Osram. Mmh. Mon grand-père était maître verrier et c'est à ce titre qu'ils se sont installés là-bas. À cette époque, c'était vraiment entièrement allemand. Mais j'ai vécu très peu là-bas. Parce que mon père, qui était donc commerçant spécial en textile, a pu acheter un magasin à Greifenberg en Poméranie. Et toute mon enfance, tous mes souvenirs, tournent autour de cette ville Greifenberg en Poméranie, donc proche de la mer Baltique, de la ville de Stettin. Je vois très bien notre maison. J'ai d'ailleurs des photos. Vous pouvez les voir ? Oui, c'est moi en 1940. Donc vous avez 4 ans. Voilà, la maison bien sûr qui avait beaucoup d'importance, qui était vaste, qui était lumineuse, qui était intéressante pour moi parce que je participais un petit peu à la vie du magasin. Donc le magasin au rez-de-chaussée là. Voilà, et surtout cette maison était le long de la rue principale qu'on appelait la rue Royale. Et donc, toute la vie se passait un petit peu sous mes yeux et tout le changement aussi, après les débuts de la guerre. C'était une vie très calme, avec des excursions les week-ends à la côte de la mer Baltique. Ce qui était beau, c'était l'environnement très vert avec une rivière qui traversait avec un grand jardin paysager. C'était quelque chose d'une spécialité pour la Poméranie. Et il n'y avait que des Allemands qui étaient installés là-bas. On parlait peut-être de la Pologne en tant que voisin très proche, mais il n'y en avait pas qui étaient installés là-bas. Birgit Köttgens, vous êtes née à Poznań, aujourd'hui Poznań, en Pologne. Pourquoi vos parents ont déménagé, ont quitté Riga ? J'ai connu Riga, mais encore dans le ventre de ma mère. Et je suis née en 1941 à Poznań, où les Allemands de Riga avaient été évacués en 1939 à la suite du pacte germano-soviétique. C'était le cas de ma grand-mère. Mais comme mon père était letton, mes parents ont dans un premier temps pu rester à Riga. Les Russes sont arrivés dès 1940. Mon père a dû dire quelque chose qu'il n'aura pas plu. Toujours est-il qu'un jour, il a appris qu'il risquait d'être envoyé en Sibérie. À cette époque, énormément de Lettons ont été déportés. Ce qui fait que mes parents ont quitté Riga en catastrophe et moi, je suis née à Posen un mois plus tard. Les premiers souvenirs de Posen qui reviennent, c'est moi faisant de la barque sur un lac avec ma mère. Il y avait un petit lac et une serre avec des palmiers. Je me vois aussi jouant dans un bac à sable. Et puis je me souviens du dernier Noël. Noël 1944. J'étais encore petite, bien sûr. J'étais surexcitée. On m'avait offert un tambour et je n'arrêtais pas de crier et de taper dessus. Oui, Noël. Et puis un mois plus tard, c'était la fuite. Reintraut Borg naît en 1929 à Gusko, en Poméranie. Elle est fille de garde forestier. Lorsque la guerre éclate, elle a 10 ans. Reintraut vit aujourd'hui à Gerden, près de Hanovre. Son récit est traduit par sa fille Christina. Je me souviens très très bien de ce jour-là, le 1er septembre 1939. Nous jouons dans la rue et on voyait traverser des soldats. C'était une belle journée fin d'été et mon père a été déjà réquisitionné en août 1939 et malheureusement il est tombé le 9 septembre 1939. Il a été abattu par une balle dans la tête. C'était vraiment pas facile pour ma mère parce qu'elle n'a pas été préparée. La seule personne qui gagnait de l'argent, c'était son mari. La guerre n'a pas, à part évidemment notre tragédie personnelle, sinon la guerre n'avait pas une incidence dans notre vie quotidienne car nous avons eu suffisamment à manger. Elle était loin. J'allais le matin à l'école. Et l'après-midi, j'étais dans les associations de la jeunesse hitlérienne. Il y avait beaucoup d'activités. C'était très bien organisé. Est-ce que les gens en Poméranie soutenaient la guerre d'Hitler ? Oui, avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, en Poméranie, il y avait énormément de gens au chômage. Et avec son accession, les gens ont eu du travail et donc étaient contents parce qu'ils ont évidemment souffert auparavant des suites de la Première Guerre mondiale. Donc forcément, tout le monde a été content. Comment est-ce que votre famille a vécu la guerre ? Mal. Mal dans la mesure que mon père a été appelé immédiatement aux armes, début septembre 1939, d'abord en Pologne, après en France. Il était, après la France, transféré au sud de la Russie. Et c'est là que nous avons donc reçu, en 1944, la nouvelle qu'il était porté disparu. Bon, la guerre devenait de plus en plus difficile. Il y avait donc les grands bombardements dans la région de la Ruhr, du Rhin. Et dans un premier temps, il y avait beaucoup qui avaient tout perdu, qui étaient envoyés vers nos régions. Et donc nous, on devait faire de la place, on devait les héberger. Donc des Allemands d'Allemagne intérieure, de l'Ouest, qui venaient se réfugier. Pour l'instant, oui, pour trouver de l'abri là-bas. Et en janvier 1945, commençaient les premiers cortèges de chariots bâchés, tirés par des chevaux, les réfugiés de la Prusse orientale. Et ça, c'était sans fin, de plus en plus, c'était une colonne grise, c'était très, très démoralisant. Mais votre famille n'a pas eu le réflexe de fuir, elle aussi ? Disons, d'un côté, il y avait l'attachement à leur monde, à la maison, à la base de l'existence. Donc, d'une certaine façon, tout le monde s'est accroché. Personne ne partait de la ville, personne. Jusqu'au dernier moment, ils ont espéré qu'il y aura un renversement. D'autant plus qu'on nous disait qu'il y aura la nouvelle arme, la fusée, donc qui va tout retourner et elle est prête à être mise en service. Et il suffit que vous partiez dans une forêt à quelques dizaines de kilomètres, vous pourrez revenir. On se trouvait avec des valises prêtes, on nous retenait, on nous disait il faut attendre quand on vous donne l'autorisation de partir. Le 30 janvier 1945, Hitler s'adresse au peuple allemand depuis son quartier général. Le discours, son dernier, est diffusé par la Radio Nationale Socialiste. J'attends de chaque Allemand qu'il remplisse son devoir jusqu'au bout de ses forces, qu'il accepte tous les sacrifices qu'on doit exiger et qu'on exigera de lui. J'attends de toute personne en bonne santé qu'elle combatte corps et âme. J'attends de chaque malade, de chaque infirme, qu'il travaille jusqu'à l'épuisement de ses forces. J'attends de toutes les femmes et de toutes les jeunes filles qu'elles soutiennent ce combat avec un fanatisme extrême, comme elles l'ont fait jusqu'ici. Je m'adresse ici tout particulièrement à la jeunesse allemande. Aussi dure que soit la crise actuelle, elle sera maîtrisée en dépit de tout, grâce à notre volonté inébranlable, grâce à nos forces et à notre sacrifice. Nous surmonterons cette détresse, et nous ne la surmonterons pas en Asie, mais en Europe, à la pointe de cette nation, notre grand empire germanique, qui, depuis un millénaire et demi, a été et sera toujours le rempart de l'Europe contre l'envahisseur oriental. Est-ce que vous vous souvenez de la peur de voir arriver les Russes ? Oui, on avait entendu des histoires horribles sur des viols, spécialement des viols commis sur des jeunes filles. J'avais 15 ans à ce moment-là. Il a fallu convaincre votre maman de partir. Et l'inconnu lui faisait peur, mais en même temps, elle avait entendu parler de ces viols et elle savait que nous allons soit ne pas survivre à ça, ou soit ensuite être envoyée en Sibérie. Donc j'ai pu la persuader et elle était d'accord de s'enfuir mi-février en 1945. Le 25 janvier 1945, pour nous aussi, le moment de fuir est venu. Je me souviens qu'on m'avait tiré de mon lit l'après-midi. Puis on m'a installé sur une luge. Il y avait de la neige, il faisait froid, il faisait noir. On se précipitait tous vers la gare. Je nous vois encore montant dans des trains qui nous attendaient. Puis nous avons trouvé une place dans un wagon complètement bondé. Je me souviens que ma mère m'avait posé sur une grosse miche de pain. Il n'y avait pas de place pour moi ailleurs. Et je suis là, sur cette miche de pain, pendant une éternité, très sage, très tranquille. Je ne me souviens pas d'avoir eu peur. Je ne me souviens d'aucun sentiment. Juste qu'il faisait noir. Vous vous souvenez du jour de ce départ ? Est-ce que vous pouvez le décrire ? On avait eu l'instruction que trois familles devraient se regrouper avec des chevaux et une charrette. Et évidemment, sur une charrette, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, les personnes âgées et les jeunes enfants avaient le droit de s'asseoir sur la charrette. Et les autres personnes devraient marcher à côté et ils pouvaient prendre leur vélo. Et vous, vous avez emporté quoi avec vous ? Je ne me souviens plus tellement ce que j'ai pris. Certainement des vêtements de rechange, rien de plus, parce que je n'ai même pas pris ma montre que j'ai eue pour ma confirmation. Comme en plus, on pensait de pouvoir revenir dans 15 jours, c'était juste un départ temporaire qu'on s'est imaginé. Et puis on a continué à pied, des jours et des jours. On dormait n'importe où, dans des granges, des hangars. Et moi, j'avais une mission, faire arriver ce nounours à bon port. Voyez, c'est un très vieux monsieur, plus que centenaire. Il y avait celui-ci et encore une autre peluche. Je les tenais les deux dans mes bras et je devais les protéger dans notre fuite. La Prusse orientale, la Poméranie et la Silésie. Ça fait trois régions très différentes. Les Prussiens de la Prusse orientale ont souffert beaucoup plus que les autres. Parce que c'est là où l'armée rouge est arrivée. C'était les premières provinces allemandes qu'ils avaient conquises. Là, il y avait vraiment un esprit de revanche. C'était terrible ce qu'il y a eu là. Et en plus, l'hiver au mois de janvier. Alors que les Russes sont arrivés en Poméranie beaucoup plus tard, au mois de mars. C'était le début du printemps. Ça change énormément la situation. Alors moi, j'ai vécu l'arrivée de l'armée rouge dans une forêt. On s'est caché dans une forêt. Je serais mort si j'avais vécu en Prusse orientale, avec 20 degrés en dessous de zéro. Mais avec 10 degrés au-dessus, je pouvais vivre. C'est ça qui a sauvé la vie à beaucoup d'Allemands. Et en Silésie, il y avait encore une différence. Les Russes avaient un seul intérêt, c'est de conquérir Berlin. Par conséquent, ils ont laissé tout le sud jusqu'au 8 mai 45. L'armée rouge est arrivée sans guerre le 8 mai, parce que ceux qui restaient de l'armée allemande a capitulé le 8 mai 45 et les Russes sont... Et la même chose en Bohême, à le pays sudète. L'armée russe est arrivée à Prague le 8 mai, pas avant. Alors ça change la situation, n'est-ce pas? Vous êtes parti avec beaucoup d'autres réfugiés, beaucoup d'Allemands? Oui, on est partis tous ensemble à pied, en vélo, avec les charrettes et les chevaux. Reintraut Borg. On a pu aller seulement à 100 km de chez nous. Et à ce moment-là, on était encerclés par les chars russes et ils nous ont bombardés. Ils ont donc vidé leurs munitions et au moment du rechargement, les soldats allemands ont organisé un chemin où les réfugiés pouvaient ensuite partir vers la forêt et vers le port de Gotenhafen. Et à ce moment-là, une voisine qui avait son enfant dans ses bras, l'enfant a été mortellement touché. Elle a vidé son sac à dos et elle a mis l'enfant mort dans le sac à dos et continué à s'enfuir avec nous. Et ça a été extrêmement traumatisant pour moi. Vous êtes parti de Poméranie, de chez vous, et vous avez traversé une zone qui était polonaise. Oui, le Russe est arrivé très vite et il a encerclé la Poméranie. Et donc, notre seule façon de s'en sortir était de fuir vers l'est, donc vers le port de Gotenhafen, parce que tous les autres ports n'étaient plus accessibles pour nous. Alors que les autorités nazies refusent de donner des ordres d'évacuation, la plupart des familles allemandes partent au dernier moment et par leurs propres moyens. En Prusse orientale et en Poméranie, des colonnes de réfugiés convergent vers les gares et les ports de la mer Baltique. Mais les trains et les bateaux manquent, et les réfugiés attendent des jours et des jours, parfois en vain. Le 10 mars 1945, Elisabeth Otto, âgée de 75 ans, quitte avec son mari, 82 ans, sa maison à Kohlberg, en Poméranie. Extrait de ses mémoires, rédigé en novembre 1946, à son arrivée en Allemagne. Le cœur lourd, nous nous sommes décidés à rejoindre le port avec nos valises. Nous nous sommes d'abord abrités dans un camp de réfugiés où nous avons attendu un bateau pour nous emmener. Nous y avons passé 3 jours et 3 nuits épouvantables sur des bancs et des tables en bois. La nuit, on entendait d'horribles cris d'enfants, certains devenaient fous. Bien sûr, on faisait monter à bord en priorité les mères et leurs enfants, ainsi que les femmes seules, mais pas les hommes. Et comme je ne voulais quand même pas abandonner mon mari, il n'y avait aucun espoir pour nous de partir. Nous avons cru alors pouvoir repasser une dernière fois à la maison pour nous allonger un peu. Mais dans le couloir, les Russes avaient installé un poste central d'information. Les mitrailleuses crépitaient sans interruption. Nous nous sommes enfermés dans notre chambre et n'osions plus en sortir. Dans la soirée, nous avons aperçu de la fumée. Les Russes allumaient un énorme feu dans la cour. Des flammes sortaient par les fenêtres, Nous avons eu peur d'étouffer. Alors j'ai vite ouvert la porte et j'ai vu qu'il n'y avait plus personne. Nous nous sommes échappés. Nous n'avons pas pu emporter nos valises. Nous avons juste sauvé notre peau. Le chemin jusqu'au port était pénible. Une maison sur trois était en flammes. Arrivés au port, nous sommes restés accroupis entre des piles de bois, toujours dans la crainte des bombes. Ce n'est qu'à 11h du matin qu'un des derniers bateaux nous a emmenés. Est-ce que vous saviez tout d'abord où vous alliez ? On nous a dit qu'il y aurait des bateaux à destination du Danemark parce que le Danemark était occupé par les soldats allemands et donc il y avait encore la possibilité d'accueillir du monde parce que c'était très très difficile. Entre-temps, le territoire était très très rétréci. Donc on arrive dans une petite ville qui s'appelle Weil. C'était un camp militaire, mais les soldats le libéraient pour nous. On est arrivé là-bas au mois de mars 1945. Dans un premier temps, le camp était ouvert, on pouvait sortir. Mais à la capitulation, donc au mois de mai, les barbelés ont été renforcés, les portes se sont fermées. Vous restez 2 ans dans ce camp ? Oui, c'est-à-dire finalement, en janvier 1947, on nous donnait l'autorisation de retourner en Allemagne. Mais pour les zones américaines et anglaises, il fallait prouver qu'on a une possibilité de logement. Donc nous, on avait la chance que mon oncle s'était installé à Marburg. Donc on pouvait aller dans le secteur américain. Et bon, mais après, c'était la fin de l'Odyssée. Alors, quand vous voulez distinguer la situation des réfugiés, je dirais qu'il y a 3 choses. La première, ceux qui ont réussi à s'enfuir avant. Deuxièmement, ceux qui, comme moi, sont restés après l'arrivée de l'armée rouge. Et troisièmement, ceux qui sont tombés entre les mains des Russes après la guerre. Ici, c'est une reproduction de votre château. C'est le château où vous êtes né en 1932. Alors, depuis l'époque de Napoléon, les Fontaten étaient propriétaires à Triglav. Triglav était enfin un village complètement allemand jusqu'en 1945. Mais après 1945, à cause des accords de Potsdam, cette partie de la Poméranie est devenue une partie de la Pologne. Alors notre région, là, il y avait des Polonais qui venaient pour s'installer dans notre village. Je n'ai jamais oublié le 8 mai 1945, c'était le jour de l'armistice et la fin de la guerre. Évidemment, les Russes en ont fait une date de fête. Et pour cela, ils ont installé d'abord un drapeau rouge, bien sûr. Un drapeau rouge ici que je n'oublie pas. Et ensuite, en dessous, un grand portrait de Staline. Mais après, les Russes avaient besoin de jeunes Allemands pour les aider. Et moi, on m'avait engagé pour un travail dans la boulangerie de l'armée rouge. Ils avaient besoin de quelqu'un qui apporte l'eau et le bois, enfin des choses que je pouvais porter. On m'a nourri. Je n'ai pas souffert de faim. J'ai vécu pendant une année entière encore dans le château. Les Russes avaient déporté mon père en Sibérie, mais ils ont laissé ma mère et moi. Alors comment la vie s'est-elle passée sous l'occupation russe? Et surtout, après l'arrivée des premiers Polonais, le premier problème, c'était la question de la langue. Un russe ne parle jamais le polonais. Mais le polonais n'a pas envie de parler le russe. Conséquence, ils ont parlé allemand. Alors imaginez-vous, après la défaite totale de l'Allemagne, on parlait allemand. Et je n'ai pas oublié cette année parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et je peux vous dire, si je suis devenu historien, c'est à cause de ces expériences que j'ai faites après la guerre. Alors, En janvier 1946, le commandant russe nous a amenés avec un camion russe à la gare, ma mère et moi, et nous avons quitté la Poméranie. Enfin, c'était un terrible voyage parce qu'à l'époque, les trains ne fonctionnaient pas. Et nous sommes arrivés à Berlin. Là, il y avait à côté des Russes, des Américains, des Anglais et des Français. Et moi, j'étais complètement étonné. Je me disais, qu'est-ce qui se passe ici? Nous n'avions aucune information sur ce qui s'est passé après la guerre. Il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Où est-ce que vous arrivez finalement en Allemagne? Les trains allaient vers l'ouest. C'était des trains pour des animaux. Dans chaque wagon, il y avait la place pour 40 personnes. Les autorités avaient décidé de détacher au fur et à mesure les wagons. Et notre wagon a été détaché dans la région de Basse-Saxe à Gifhorn. Et quelques jours après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de retour possible. Alors, comment vous êtes-vous intégré dans cette société allemande? Nous avons eu beaucoup, beaucoup de chance parce que nous avons atterri dans un village riche de paysans allemands de la Basse-Saxe. Les fermes et les maisons étaient énormes, donc ils nous ont logés gratuitement, ils nous ont nourris gratuitement. Nous sommes arrivés uniquement avec nos vêtements, sans assiette, sans cuillère, enfin sans rien. C'était une vraie solidarité. Ils nous ont ouvert leur maison. J'avais une jolie chambre et ma mère et ma sœur avaient deux pièces également. Nous n'avons rien, pas d'argent, rien. Ils nous ont tout donné. Les expulsés et les réfugiés, quand ils quittent leur région, arrivent soit dans la zone soviétique, soit dans la zone britannique, soit dans la zone américaine, mais aussi un peu la zone française, un peu parce que c'est très loin. Il y avait des trains, mais vous n'aviez pas le choix, n'est-ce pas? Vous aviez un train qui vous amenait, je ne sais pas, à Düsseldorf, et vous étiez en zone britannique, et vous aviez un train qui vous amenait à Leipzig, et vous étiez en zone soviétique. Les réfugiés arrivent de beaucoup de territoires, donc de la Haute-Neisse, de la Haute-Silésie, Sudetenland, près de la Tchécoslovaquie, donc, même le Balkan, la Hongrie, Roumanie, Yougoslavie. On avait recensé en 1946 65 millions d'Allemands. Les réfugiés en Bavière représentaient un cinquième de la population totale. Au Schleswig-Holstein, donc au nord, plus d'un tiers. Il manquait 10 millions de logements à cette époque-là. Hier spricht Landrat Bister, Osterholz. Extrait d'un appel en faveur des réfugiés lancé en 1946 par le président du canton de Osterholz, près de Brême, dans le nord de l'Allemagne. Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous dans ces temps difficiles pour vous demander d'aider de toutes vos forces le peuple allemand à reconstruire une Allemagne démocratique. Ich wende mich in allererster Linie an meine Berufsfreunde und Kollegen. Je me tourne en tout premier lieu vers mes amis et collègues, les agriculteurs. Vous n'ignorez pas combien il est difficile de nourrir le peuple allemand. Engländer und Amerikaner werden uns helfen. Les Anglais et les Américains nous aideront, mais ils peuvent légitimement exiger que nous nous aidions tout d'abord par nous-mêmes. Je m'adresse aux maires des communes afin qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour régler le problème des réfugiés. Veillez à ce qu'ils soient bien logés, à ce que l'espace habitable soit équitablement réparti et à ce qu'ils soient intégrés autant qu'il est possible dans le marché du travail. Les réfugiés vont rester ici. Ils vont devenir nos concitoyens. On ne doit pas les considérer comme des mendiants venus quémander chez nous. Il est de notre devoir de faire en sorte qu'ils se sentent ici, chez eux, citoyens de droit. Nous sommes arrivés près de Hanovre. Je suis entrée dans une école allemande et c'est là que mon enfance a vraiment commencé. Birgit Göttgens. C'est aussi l'époque où la différence est vraiment devenue évidente. Je me sentais une fillette allemande, mais je n'étais pas acceptée comme telle. Et c'était évidemment très très difficile à comprendre pour moi, parce que je ne savais pas encore à l'époque que les gens venus de l'Est étaient considérés comme des sous-hommes. C'était des Russes, des gens sans culture, qui venaient ici pour voler notre espace vital. Toute cette idéologie nazie était encore bien présente chez les Allemands. Ils n'en parlaient pas, bien sûr, mais c'était ainsi. Quant à moi, j'étais une enfant très bien élevée, très polie. C'était ma tactique pour m'en sortir. Et ça a marché. J'ai trouvé des copines. Pour moi, l'époque lettonne était révolue. Et je n'ai plus jamais parlé letton. Ilse et Otto, originaires de Prusse-Orientale, vivaient à Danzig. Devant l'arrivée des Russes, elle fuit la ville avec ses trois filles le 27 janvier 1945. Elle a alors 33 ans. Après plusieurs mois d'errance sous les bombes, elle arrive finalement à Hanover-Schmünden, en Basse-Saxe. Extrait de lettre à sa meilleure amie, rédigée entre mars 1946 et mai 1947. Quel crime avons-nous commis, pauvres de nous, pour subir un tel sort? Mais ça aussi, nous allons le surmonter, j'en suis sûre. Depuis l'été jusqu'au jour des morts, j'ai travaillé comme une bête de somme, 8 à 10 heures par jour, dans les champs d'une ferme voisine. Récolte du blé, des pommes de terre, des carottes et des légumes. À moi seule, j'ai ramassé 1,5 acre de rutabaga. Je reçois 24 pfenniges par heure, qu'on me paye en nature. C'est terriblement dur, d'autant plus que le soir, je dois encore m'occuper de la maison, coudre et repriser. Mais j'accepte tout. Il ne faut pas réfléchir. Travail, travail et encore travail. Voilà ce qui fait oublier les pensées moroses. Alors, à partir de 1952, vous vous installez avec vos parents à Düsseldorf. Mon père, Dieu merci, a eu la chance de trouver un excellent poste à Düsseldorf. Grâce à l'industrie, ici et dans la Ruhr, on trouvait facilement de bons emplois. On construisait beaucoup. Nous avons pu bénéficier d'un logement social et ma mère a été folle de joie lorsqu'on nous a enfin accordé un trois pièces. Il faut juste vous imaginer que nous n'avions avec nous qu'une vieille chaise pour ma grand-mère et un lit. C'est tout ce que nous possédions. On a offert quelques meubles à mon père. Le reste de notre installation se composait de cajou d'orange. On appelait ça alors en Allemagne Jaffa Möbel, les meubles Jaffa, car les oranges arrivaient d'Israël dans ces cajou. Ma mère était douée pour en faire de jolies armoires, de sorte que notre appartement était assez coquet. Dans la région, c'était le miracle économique. Autour de nous, les premiers Allemands partaient pour l'Italie. Mais chez nous, le mot « vacances » restait un mot très abstrait. Est-ce que vos parents espéraient retourner vivre en Lettonie ? Non. La patrie, notre « Heimat », c'est vraiment une chose qu'ils avaient intériorisée. C'était une douleur secrète, une nostalgie qu'on pouvait lire sur leur visage. Et pour l'enfant que j'étais, c'était très difficile à comprendre. Et puis lentement, je suis arrivée à l'âge de la puberté. Et ma rébellion à cet âge-là, ça a été de dire « Bon sang, mais arrêtez à la fin avec ces Allemands de la Baltique, ça suffit, il faudra bien vous habituer, on ne peut pas rentrer chez nous, cette histoire de 7 siècles est terminée et il faut l'accepter. Regardez plutôt ce qui se passe ici. » Mais c'était en vain. Mes parents étaient complètement traumatisés, prisonniers de toute cette histoire. Renate Gnoir, est-ce que votre mère participait aux réunions des associations de réfugiés? Une ou deux fois, et ça ne lui apportait rien du tout, et elle n'a pas continué. Tout tournait autour de la patrie perdue, des séances photos, et puis les chants de Poméranie, de Prusse orientale, etc. C'était rien de constructif, c'était larmoyant, quoi. Et donc, non, elle n'a pas continué. Parce qu'en fait, votre mère n'espérait plus rentrer en Poméranie? Je crois qu'elle était très clairvoyante. On n'avait pas encore reconnu la frontière Oder-Neisse. Donc, ce n'était pas considéré comme Pologne, mais sous administration polonaise. Mais elle s'est rendue très vite compte que c'est irréversible. Expulsés de leur pays à cause de leur nationalité allemande, les réfugiés sont considérés comme des étrangers à leur arrivée en Allemagne. Les Alliés réclament leur intégration à tout prix, et de peur qu'ils ne deviennent des ferments de déstabilisation, ils les dispersent au maximum pour les fondre dans la population locale. Toute formation de parti politique leur est d'abord interdite. Ils se réunissent donc très tôt en diverses associations qui, selon leur région d'origine, cultivent le souvenir de la terre natale. Lors de grandes manifestations, leurs discours et leurs slogans rejettent avec virulence la ligne Oder-Neisse, définie par les Alliés comme nouvelle frontière avec la Pologne. Ils revendiquent la restitution des territoires perdus. Mais ces manifestations sont surtout pour les réfugiés l'occasion de se retrouver et de partager le mal du pays. En 1949, ils représentent 18% de la population allemande et constituent un électorat important que les partis politiques se disputent en leur faisant miroiter la possibilité d'un retour au pays. Avec le temps, beaucoup de réfugiés comprennent eux-mêmes que ce rêve est irréalisable. Travailler et s'intégrer dans la société allemande devient leur priorité, ce que va permettre le miracle économique. Dans les années 70, la politique d'ouverture à l'est de Willy Brandt entérine la ligne Oder-Neisse comme un fait accompli. Toute revendication ou simple expression de la souffrance vécue par les réfugiés est assimilée à un esprit de revanche. Leur destin disparaît peu à peu de la mémoire collective. Ces organisations de réfugiés menaient un vrai combat politique. Et elles se sont attirées beaucoup de reproches en Allemagne fédérale. On les accusait d'être éternellement nostalgiques et de créer une nouvelle injustice en revendiquant le droit de rentrer en Pologne ou ailleurs et de récupérer leur maison. Mais il faut vous imaginer qu'il y avait un tabou. Un tabou qui est toujours un peu vivant aujourd'hui. Il ne fallait pas parler de la guerre, de la fuite, de ce qu'on avait possédé ou perdu. Il régnait un climat de suspicion. On se demandait, mon voisin a-t-il été nazi? Comment le situer politiquement? Cette posture de victime des réfugiés allemands, c'était aussi un tabou. Car après tout, la guerre, c'était notre faute à tous. Si on n'avait pas accepté Hitler, il n'y aurait pas eu toute cette souffrance des réfugiés. Alors il valait mieux se taire, et je porte encore cette souffrance. Et votre Heimat, c'est quoi alors? Elle reste quand même là-bas, oui. En Poméranie? Oui. Par exemple, j'ai lu avec beaucoup d'émotion aussi les livres de Siegfried Lenz, Das Heimatmuseum, beaucoup de livres de Günter Grass, même si ce n'était pas la même région. Lui, il était donc de la région de Danzig, mais il y avait toujours une tonalité ou bien des caractères de gens qui me rappelaient ce paysage. Et ça me touche toujours beaucoup. Nous avons tous les jours parlé de notre vie, de là où j'étais élevée. Mais de la fuite, on en a moins parlé. Il n'y avait pas vraiment le temps de revenir sur la fuite. Il fallait se construire un nouvel avenir. Donc, on manquait de temps et on a travaillé énormément pour reconstruire cet avenir. Il fallait quand même faire un nouveau début. Et que ce soit en témoignage, que ce soit en littérature, qu'on n'oublie pas, c'est important. Mais tout le monde a souffert. Tout le monde a sa place. Les gens qui étaient exposés au bombardement, ils ont souffert énormément. Je pense qu'à ce moment, on n'aurait pas tellement rencontré de la compréhension. Il fallait mieux s'intégrer. L'exode des Allemands d'Europe de l'Est. Avec Reinhard Borg, Birgit Göttgens, Renate Gündoar et Rudolf von Tadden. Un grand merci à Franka Trost pour son aide et pour les lettres de sa mère et de sa grand-mère. Merci également à Barbara et Werner Hausknecht, Tilman Kasten, Waltraud Laslop et Thomas Reimer. Traduction de Reinhard Borg par Christina Borg-Kamp. Lecture Sophie Doll et Mathieu Laurent. Prise de son, Marcos Darras. Mixage, Romain Lenoir. Un documentaire de Jeanne Guéroux et Anne Fleury. Un documentaire à réécouter sur notre site, à commenter également si vous le souhaitez sur www.franceculture.fr. Demain, nous continuons notre semaine consacrée à l'Allemagne au XXe siècle dans le cadre de cette semaine allemande de France Culture. Nous allons traiter de la société civile en RDA.